Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule radio. Luc Desormeaux au micro. Et pour commencer cette émission, aujourd'hui, je serai seul. Pourquoi? Parce que Marc va me rejoindre plus tard. On va parler de nos essais de la semaine. C'est un bloc qui a été enregistré la semaine dernière parce que moi, cette semaine, je suis à Ajax, en Ontario, dans la région de Toronto. C'est tout près d'Oshawa pour le Festival des essais de l'Ajax, donc ce qu'on appelle communément le Test Fest. Donc aujourd'hui, on a terminé la deuxième journée du Test Fest. On est jeudi, jour d'enregistrement, et on vient de terminer notre deuxième journée au Test Fest. En deux jours, j'ai conduit 21 véhicules, 11 hier, 10 aujourd'hui. Et je voulais faire un petit compte-rendu un peu avec vous de comment ça se passait, le Festival des essais, qui va vraiment ultimement donner le gagnant de la voiture canadienne de l'année et du véhicule utilitaire de l'année. Donc, voiture qui est vraiment une voiture et véhicule utilitaire qui est soit un camion, communément appelé un pick-up, ou un VUS. Donc, c'est ultimement cette semaine que ça va se décider. Donc, si on regarde un peu comment ça se passe, c'est des journées pour nous qui se passent de 8h le matin à 5h le soir et on doit essayer le plus de voitures possible dans ce temps-là. On a 3 jours cette année, on avait seulement 2 jours l'année passée, donc ça va nous permettre d'essayer beaucoup plus de voitures. L'année passée, je pense qu'en 2 jours, j'avais réussi à essayer comme 26 voitures. Je suis un petit peu en retard sur mon temps de l'année passée, sur mon nombre de l'année passée, mais je vais pouvoir me reprendre demain, dernière journée. Malheureusement, je ne peux pas enregistrer ce podcast vendredi parce qu'on le met en ligne vendredi. Donc, j'ai décidé de faire ça jeudi en après-midi parce que là, je viens de terminer la journée au Test Fest. Mais ce soir, c'est le gala de l'Ajax où on va nommer journaliste de l'année et beaucoup de prix qui vont être remis aux journalistes qui sont membres de l'Ajax. Donc, j'ai ça dans quelques minutes, dans à peu près 30 minutes. Mais j'ai pris le temps d'enregistrer quelque chose parce que je voulais qu'on ait une émission cette semaine. Puis, je pensais que peut-être ça intéresserait certaines personnes de savoir un peu comment ça se passe. Donc, parce que vous voyez ça des fois à la télé, beaucoup de constructeurs vont mettre ça dans leur pub. « Ah, meilleure petite voiture selon l'Ajax. » Bien, c'est un prix qui a été décerné pendant le Festival des essais. On a différentes catégories et puis chaque catégorie a un gagnant. Ultimement, toutes les voitures gagnantes de leur catégorie sont mises après ça dans le même seau, comme on pourrait dire. Et là, on décide c'est laquelle des voitures est la meilleure de toutes celles-là. Et puis, on va faire la même chose pour le VUS. Il va y avoir un VUS ou un véhicule utilitaire, camion ou VUS qui va gagner dans chaque catégorie. Et puis après ça, on va les mettre ensemble puis on va décider c'est lequel qui va être le VUS canadien de l'année. Donc, on a plusieurs critères, on a une feuille. Si vous me suivez sur Facebook ou ça vous tente de voir la feuille, allez voir sur ma page Facebook à moi, Luc Desormeaux. Et regardez, j'ai mis une photo vraiment de la feuille qu'on utilise à chaque jour. Donc, il faut remplir vraiment certaines choses spécifiques. Donc, c'est sûr, il faut aller avec le nom du constructeur, le modèle. Faut aller aussi avec quel niveau de finition qu'on a. Donc, est-ce que c'est un Limited? Est-ce que c'est une version plus basse, plus haut de gamme? Il faut marquer la version. Et puis, le moteur, la transmission. Et est-ce que c'est une traction intégrale, une traction avant, une propulsion? Donc, on garde ces informations-là. Et puis après ça, il faut qu'on passe étape par étape là, les différents critères de la voiture. Donc, on va regarder le design extérieur, la finition intérieure. On va aller avec aussi pour l'habitacle. Est-ce que la position du conducteur, est-ce que la visibilité est bonne, est-ce que les passagers ont de l'espace, est-ce que le système de divertissement et les choses comme le volant chauffant, siège chauffant, est-ce que c'est correct, est-ce que le bouton est-il bien placé ou des choses comme ça. Donc on va donner une note selon est-ce qu'on trouve que c'est facile à utiliser ou plus ou moins facile à utiliser. L'espace cargo. Est-ce que le coffre est grand? Est-ce qu'on peut mettre beaucoup de choses dans le coffre? Ou est-ce qu'on peut rabaisser les bancs? Est-ce que c'est un VUS? Est-ce qu'on a beaucoup de place? Donc, ensuite, le bruit dans l'habitacle, les vibrations. Est-ce que la voiture, est-ce que c'est confortable ou on se fait beaucoup brasser? Donc, c'est des choses qu'il faut aussi prendre en considération. Est-ce que la voiture est nerveuse ou est-ce que la transmission fait le travail? Est-ce que le moteur fait le travail? Ensuite, la dynamique, est-ce que c'est confortable à rouler? Est-ce que la direction est précise? Est-ce que la voiture se contrôle bien quand on prend une courbe ou quelque chose du genre? Est-ce que quand on freine, est-ce que la voiture freine bien? Est-ce qu'elle hésite? Est-ce qu'on freine la distance de freinage? Est-ce qu'elle est plus longue qu'est-ce qu'elle devrait être? Donc, c'est quelque chose qu'on regarde aussi. Ensuite, on regarde, est-ce que ça semble être une bonne valeur d'achat? Donc, est-ce qu'on pense que le véhicule, selon son prix, ses caractéristiques, est-ce que selon ces critères qu'on a calculés, il ne faut pas vraiment se fier au prix parce qu'on va avoir des voitures qui se vendent peut-être 25 000 $, puis d'autres qui vont se vendre comme une Lexus que j'ai essayé aujourd'hui qui se vend 135 000 $. On ne peut pas vraiment les comparer, mais est-ce qu'on pense que la voiture est une bonne valeur pour ce qu'elle offre? Et si c'est un VUS ou un véhicule qui peut aller hors route, c'est quoi sa capacité hors route? Est-ce que, comme un Subaru, est-ce que ça va très bien hors route? Un Jeep, est-ce que ça va très bien hors route? Donc, on peut donner aussi une note pour la capacité hors route. C'est sûr, si c'est une voiture, on ne va juste pas avoir à remplir cette case-là. Ça n'existe pas sur le site de l'Ajax si c'est une voiture, vraiment. Ce n'est pas calculé comme un VUS. La qualité hors route n'est pas calculée là-dedans. Donc, on remplit une feuille comme ça pour chaque voiture. Donc, oui, depuis 2 jours, j'ai rempli 23 feuilles comme ça, puis ensuite je vais prendre les feuilles, je vais aller sur le site de l'Ajax dans les prochaines semaines, on a jusqu'au, je pense que c'est le 29 novembre cette année, pour entrer tous nos votes, et puis après ça, ben il va y avoir les gagnants par catégorie qui vont être annoncés, si je me rappelle bien, au Salon de l'Auto de Montréal, puis après ça, le véhicule de l'année, voiture de l'année et VUS ou véhicule utilitaire de l'année vont être nommés au Salon de Toronto qui se passe l'année prochaine, je pense que c'est pas en janvier, c'est au mois de mars, si je me rappelle bien. Je ne viens pas à chaque année, donc je me rappelle pas exactement c'est quand. Donc, j'ai essayé depuis 2 jours, comme j'ai dit, 23 véhicules, 21 véhicules. Donc, j'en ai essayé 10 aujourd'hui, 11 hier. Je vais juste passer à travers les véhicules peut-être qui m'ont le plus marqué dans ceux que j'ai essayé. J'ai essayé la Honda Clarity que j'ai bien aimé. C'est un véhicule qui se comporte très bien. C'est un véhicule qui est bien fini. J'ai bien aimé son comportement. Là, je pense que c'est un véhicule qui est intéressant chez Honda. J'ai essayé le Mitsubishi Outlander PHEV. C'est un véhicule que j'aimerais essayer un peu plus longtemps pour me faire une bonne idée parce que c'est un véhicule qui, pour moi, devrait avoir quand même une bonne autonomie en tout électrique, et vu que je n'étais pas le premier à l'essayer dans la journée, l'autonomie était un peu plus basse, donc c'était pas optimal, j'ai pas eu la pleine autonomie, même si dans la réalité, là, on fait pas 40 km pour tester une voiture, on a 30 minutes par voiture, 30 à 40 minutes par voiture, si c'est une voiture à essence ou hybride rechargeable, on a 20-25 minutes si c'est une voiture électrique, pour pouvoir donner le temps de, si on a besoin de la recharger, que tous les journalistes puissent l'avoir là, dans la journée. Donc, on a un temps limité, puis 30 à 40 minutes pour une voiture à essence ou hybride branchable, bien, c'est pour donner aussi la chance à tout le monde d'essayer les voitures, parce que si on part avec une voiture pendant 1h30, bien, il y a des gens au bout de la ligne qui n'auront pas la chance de tout conduire, donc il faut quand même être un peu respectueux et la ramener, même si on l'aime beaucoup puis on aimerait ça peut-être partir avec. Donc, Mitsubishi Outlander PHEV que j'ai bien aimé, ça se comporte quand même bien. J'ai bien aimé le mode électrique, donc c'est un petit VUS que j'aimerais essayer un peu plus longtemps. Le véhicule qui m'a vraiment marqué le plus, et ça a l'air d'être le cas pour beaucoup de journalistes qui l'ont essayé, c'est le tout nouveau Jaguar E-Pace. Donc le i vraiment i, là, je le nomme pas en anglais, c'est la version électrique. C'est un véhicule qui est totalement déjanté. On parle d'un VUS de taille moyenne qui a 385 chevaux. C'est pas extraordinaire. Il y a des véhicules qui ont ça, mais pour un VUS de cette taille-là, c'est quand même très, très bien. Mais ce qui est hallucinant, c'est le couple. On a 501 livres-pieds de couple dans ce véhicule-là. C'est brutal, les accélérations. Juste pour vous mettre un peu dans l'idée, là, on conduit de manière responsable. On est sur des routes publiques, donc il faut faire attention à ce qu'on fait. Je ne dépasse jamais les limites de vitesse ou très peu les limites de vitesse. Je ne suis pas du genre à rouler à 20 au-dessus de la limite de vitesse juste parce que je suis journaliste et je dois tester l'auto. Je fais un peu d'autoroute, un peu de route de campagne, des routes sinueuses pour tester un peu toutes les capacités de la voiture. Pour le e-Pace, il y a une belle petite route qui est quand même pas dans où il y a trop de gens qui passent. Et puis, c'est le genre de route où on arrive à une lumière et puis l'autre côté de la lumière, la limite de vitesse est 80 km/h. Et j'ai fait une accélération assez rapide avec le e-Pace et j'avais pas traversé les deux voies que j'étais déjà rendu à 80 km/h. J'ai dû lever le pied parce que je voulais pas dépasser la limite de vitesse. Mais l'accélération est brutale. C'est un monstre. C'est un véhicule qui se comporte super bien. C'est vraiment un VUS à caractère sportif. Malheureusement, le modèle de base se vend environ 85 000 $, donc c'est pas quelque chose qui est dans le budget du commun des mortels, mais c'est un véhicule qui a une allure agressive. Le design de ce véhicule-là est vraiment superbe, mais la conduite est quelque chose de sublime. Donc j'ai l'impression que c'est un véhicule qui va faire très bien. Est-ce que son prix et tout ça va faire que peut-être ça va l'empêcher de gagner peut-être VUS de l'année? C'est possible, on verra ce que ça va donner. Les votes vont être cumulés, puis on va voir qui va gagner au bout de la ligne. Mais c'est vraiment un bon véhicule que Jaguar vient de sortir. C'est vraiment quelque chose d'assez incroyable. Ensuite, qu'est-ce que j'ai essayé aussi? La Toyota Corolla Hatchback, véhicule que je trouve vraiment mignon. C'est un beau petit véhicule. Je ne l'avais jamais conduit et j'ai resté un peu surpris de comment dynamique le véhicule est. La Toyota Corolla Hatchback, si vous vous rappelez, c'est le véhicule qu'on appelait la Toyota IM. C'était une Sion qui est devenue une Toyota quand Toyota a mis la clé dans la porte chez Sion, mais c'est un véhicule qui est mignon, qui a une allure quand même agressive, une allure jeune, puis c'est quand même vraiment dynamique dans la conduite, j'ai vraiment apprécié, donc c'est un véhicule qui m'a surpris. Toyota Avalon, si on reste dans le Toyota, c'est pas un véhicule qui est beaucoup connu, c'est un véhicule qui passe vraiment en dessous du radar, surtout au Canada. Il y a même des gens qui vont se dire « Ah, Avalon, ça se vend au Canada? » Oui, oui, ça se vend au Canada. Toyota n'en vend juste pas beaucoup. Mais c'est un véhicule qui est vraiment confortable à rouler, qui est dynamique, même pour sa taille. C'est un véhicule qui m'a vraiment, vraiment impressionné. C'est un véhicule qui est vraiment très bien, là. Et puis, on le sait, Toyota, c'est normalement des voitures qui sont de qualité et tout ça, qui ne sont pas nécessairement toujours les plus dynamiques, mais Toyota est en train de changer son image avec des véhicules qui sont beaucoup plus beaux et beaucoup plus dynamiques et beaucoup plus amusants à conduire. Et la Avalon est vraiment un de ces véhicules-là. C'est un véhicule qui est très, très surprenant. Donc oui, vous allez entendre une page tournée parce que j'ai ma liste de voitures que j'ai essayées en avant de moi. Puis je veux passer à travers la liste un peu. Je sais que c'est pas nécessairement aussi bien que quand on enregistre en studio chez moi. Je suis dans une chambre d'hôtel, donc ça va peut-être être un petit peu moins bien qu'un podcast normal, mais je voulais quand même vous faire une émission. Puis j'espère que c'est des choses qui vous intéressent aussi. Autre véhicule que j'ai conduit qui m'a vraiment surpris, c'est le Volvo V90 Air Design. C'est un véhicule qui est propulsé par un moteur 4 cylindres de 2 litres qui est turbo-compressé et qui a un supercharger, donc un compresseur volumétrique. Donc, il est vraiment comme suralimenté deux fois. C'est un véhicule qui... C'est vraiment drôle parce que c'est un gros véhicule. Une V90, c'est la version station wagon. Donc, c'est vraiment la version familiale de la version 90 qui est la plus grosse berline chez Volvo. Et je l'ai dit à un autre journaliste, c'est comme si ce véhicule-là se prenait pour une Golf GTI. C'est vraiment la sensation que j'avais quand je la conduisais. C'est dynamique, les accélérations sont hyper rapides. Parfois, là, je jetais un coup d'œil dans le rétroviseur pour juste me rassurer que j'avais vraiment comme deux autres rangées de sièges en arrière, là, pour puis que c'était vraiment une voiture si grosse que ça, parce que je ne le croyais pas quand je le conduisais. C'est une voiture qui est ultra dynamique. C'est une voiture qui est jolie aussi si on aime les familiales. Moi, c'est un véhicule que j'ai trouvé vraiment bien, mais c'est la conduite dynamique de ce véhicule-là qui est vraiment incroyable et qui sort de l'ordinaire. Je m'attendais vraiment, vraiment pas à ça. L'autre véhicule que j'ai essayé, Buick Regal GS. Marc en a déjà parlé. Marc l'avait déjà essayé. Je pense que c'est au lancement. C'est un véhicule qui est vraiment très bien. C'est un véhicule qui est dans la même catégorie que dans la catégorie des voitures sport cette année parce que c'est une berline sport. Donc, on l'a mis avec les Camaro, la Mustang, le Veloster Turbo, la Mazda MX-5, la Golf R. C'est vraiment un véhicule qui est un peu comme la... Je trouve ça surprenant qu'on ne l'ait pas mis peut-être avec la Kia Stinger, parce que c'est un véhicule qui ressemble beaucoup à la Kia Stinger. Une berline sportive qui est dynamique en conduite. Les accélérations sont vraiment très, très prononcées. Un véhicule qui se comporte très bien sur la route. Un son de moteur qui est très, très intéressant. On a réussi à sortir un son du V6. C'est un V6 3.6 litres, je me rappelle bien. J'y vais de mémoire, là. Mais le son est intéressant. C'est un véhicule qui se comporte bien. On n'a pas l'impression que c'est un véhicule qui est lourd. Donc, j'ai vraiment, vraiment apprécié la Buick Regal GS. C'est un véhicule que j'ai bien aimé. Comme de raison, j'ai essayé la Golf R, la Volkswagen Golf R, qui était de couleur verte. J'ai fait des blagues en disant que ça va être probablement la voiture verte de l'année parce qu'elle était d'un verte assez, comme on dit, pétant. Mais c'est un véhicule qui est incroyable. C'est difficile à croire ce qu'on peut faire aujourd'hui avec un moteur 4 cylindres de 2 litres. Si on ajoute un turbo à ça, c'est un monstre. C'est un véhicule qui a un son aussi intéressant, des accélérations, une tenue de route incroyable. C'est presque difficile à croire que c'est sur une base d'une Golf, qui est une voiture vraiment ordinaire, là, mais qui est une bonne voiture, mais tu sais, c'est pas une voiture qui est vraiment de performance, mais on est capable de sortir une performance incroyable en rajoutant un turbo et en retravaillant les suspensions et tout ça. 4 roues motrices, c'est vraiment un véhicule vraiment, vraiment intéressant. J'ai eu la chance d'essayer aussi le nouveau Cherokee, le nouveau Jeep Wrangler, qui sont très bien. Nouveau 4 cylindres turbo dans le Jeep Wrangler, ce qui va faire du bien parce que ça va être un peu moins dur sur la consommation d'essence que le V6 Pentastar qui était la seule option qu'on avait l'année dernière. Véhicule qui se comporte bien. Véhicule qui, bon, c'est sûr, c'est un Jeep, c'est un véhicule qui a des... prétention hors-route. C'est un véhicule qui est capable de faire du hors-route, qui est très bon aussi à faire du hors-route. Donc, c'est sûr que quand on est sur une route normale, ça rebondit un peu. C'est pas comme une voiture, là. Donc, si vous vous attendez à avoir un comportement un peu comme une voiture, quelque chose qui est précis, qui prend les courbes comme un champion, ben c'est pas vraiment le cas, là. Mais c'est quand même un bon véhicule. Mais il faut dire, c'est un véhicule, quand vous allez vous promener sur une route normale, ben c'est pas une voiture, donc ça rebondit un peu plus, mais c'est pas inconfortable. C'est juste quelque chose qu'il faut s'habituer parce que c'est pas un comportement d'un VUS ou vraiment d'une voiture, là. C'est vraiment quelque chose de totalement différent. Cherokee, ben c'est un comportement d'un VUS, c'est vraiment bien, les accélérations sont bien. Nouveau Subaru Forester aussi que j'ai essayé avec la version sport, on rajoute quelques petits accents orange à l'extérieur et des accents orange à l'intérieur. J'ai trouvé vraiment joli, véhicule qui se comporte bien. C'est un Subaru, donc je l'ai amené sur des petites routes de gravier et ça s'est super bien comporté. Autre véhicule que j'ai eu la chance d'essayer, le Dodge Durango SRT avec un gros V8 de, si je me rappelle bien, 6,2 litres. C'est un monstre de puissance. Ça accélère pour sa grosseur, c'est assez impressionnant. Donc c'est un véhicule que j'ai beaucoup apprécié aussi. Il y a des véhicules que je vais essayer encore demain. J'ai l'intention d'essayer, que je vous en reparlerai probablement sur l'émission de la semaine prochaine avec Marc, parce que Marc, c'est des choses que lui a déjà conduit soit à des lancements, soit sur la route. Là. Mais je vais essayer le nouveau Acura RDX que Marc a essayé il y a quelques semaines. Alfa Romeo Stelvio et le nouveau Infiniti Q50. J'ai aussi des pick-up à essayer si j'ai le temps. Le nouveau Kia Sorento et le tout nouveau Subaru Ascent. Que j'ai pas encore essayé, que je vais essayer demain, qui est un gros, gros VUS chez Subaru. Donc, beaucoup de voitures intéressantes. Quelques petites déceptions, mais je vais garder ça pour ma feuille de vote. Je ne vais pas nécessairement en parler assez, parce que c'est difficile de dire vraiment qu'on est déçu d'une voiture ou qu'on adore une voiture quand on les conduit seulement 40 minutes, mais ça donne quand même une idée. Mais pour moi, vraiment, pour me faire une idée, ça me prend quelques jours au volant d'un véhicule, puis même normalement j'aime beaucoup avoir une semaine pour voir est-ce qu'on peut vivre avec ce véhicule-là, est-ce qu'on embarque un enfant, est-ce qu'il est confortable, on va faire l'épicerie, on va magasiner, est-ce qu'on a de la place et tout ça, donc j'aime vraiment beaucoup mieux l'avoir pour plus longtemps, mais c'est pas possible pour toutes les voitures. Donc ça fait un peu le tour de ce que j'ai fait dans les dernières journées, les deux derniers jours, et ça vous donne aussi une idée un peu de ce que ma journée de demain ou de vendredi, pour vous c'est aujourd'hui, va être. Si ça vous intéresse, allez voir soit mon Instagram Desormoluc, soit mon compte Twitter Scalazormo ou mon compte Facebook Luc Desormo. Vous allez voir, j'ai mis plein de photos. J'ai mis une photo par voiture que je conduisais dans la journée. Donc à chaque fois, j'allais dans une voiture, je ramassais les clés, je prenais une photo, j'embarquais, j'allais faire mon tour, je remplissais ma feuille, on recommence. Donc, c'est très agréable. Et puis, j'aime ça venir ici à chaque année. Je m'amuse comme un petit fou. C'est des grosses journées, par exemple. C'est conduire beaucoup. Comme je disais à un journaliste, il dit comment ça va. Je dis, ça va très bien. Mais c'est comme, je conduis 4h30 pour venir ici. Après ça, c'est 40 minutes le matin et 40 minutes le soir pour aller et revenir de la piste. Parce qu'on fait ça au Mosport, Canadian Tire Motorsport, qui est à 40 minutes d'ici. Mais entre les deux, on conduit aussi toute la journée. Donc, c'est vraiment beaucoup, beaucoup de conduite. Mais on aime ça. On n'est pas dans le journalisme automobile parce qu'on n'aime pas conduire. Sinon, ben, on ferait d'autres choses. Mais je m'amuse comme un petit fou quand même. J'aime vraiment, vraiment ça. Et puis, je vais vous en reparler peut-être un petit peu plus tard aussi. Puis, on va couvrir là, les gagnants de catégorie et les gagnants au final aussi quand ça va être annoncé. Donc, on va faire une petite pause. Et puis, magiquement, quand on va revenir, Marc va être avec moi. Puis, on va faire nos essais de la semaine. Nous sommes de retour et on rejoint Marc pour nos essais de la semaine. Marc, tu as essayé une BMW de série 4 Grand Coupé. C'est quoi cette voiture-là et comment ça se comporte? Ben écoute, c'est une BMW d'abord. C'est bien, c'est bien parce que si c'était, je sais pas moi, une Opel ou quelque chose comme ça, on serait un peu mélangé. Effectivement. Alors c'est la série 4, ben, c'est la série qui n'est pas l'entrée de gamme, qui est l'entrée de gamme, mais qui est la version 2 portes en théorie là, okay, de la série 3. C'est surtout une voiture qui est absolument magnifique à mon avis. J'aime mieux la série 4 que la série 3 en termes de look. Et la Grand Coupé, ben, c'est bien entendu celle qui a une espèce de haillon fastback vers l'arrière. Okay, okay. Donc, elle est un peu plus étirée vers l'arrière. Elle a donc une silhouette qui s'étire un peu, qui s'allonge un peu. Moi, j'avais la 430 X-Drive Grand Coupé. 430 X-Drive, c'est, bon, tu l'auras compris, X-Drive, ça veut tout simplement dire que c'est la version à rouage intégral, mm-hmm, parce que chez BMW, c'est ça. La 430, ben, elle est dotée du moteur 4 cylindres 2 litres turbo-compressé comme il se doit. 248 chevaux, 258 livres-pieds de couple avec une boîte automatique 8 rapports. Je dois te dire en partant que la série 4, c'est une voiture qui est très agréable à conduire parce que c'est une auto qui n'est pas trop lourde, qui est vraiment tournée vers son conducteur, vers son pilote, et qui donne vraiment de belles sensations. Tu sais, la série 5, j'adore la série 5, là, mais je trouve que la série 5, elle est un peu, je pourrais dire, un peu plus lourde, un peu plus grande. Tu sais, c'est plus une grande berline, alors que vraiment, la série 4, on la sent plus souple, plus dynamique un peu dans sa conduite. Okay. Alors, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup la série 4. Et dans la version grande coupée, ben, on aime ou on n'aime pas. Moi, j'aime ça. C'est sûr que ça alourdit un peu. Ça alourdit aussi le style. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule quand même là, qui paraît bien. Surtout que le nôtre était d'un bleu frappant, disons. OK. Bleu bonbon. Une espèce de bleu royal, en tout cas, simili véritable. Okay. C'était quelque chose. Là. Tu sais, c'est pas... on s'entend pour dire que c'était difficile de la rater, mettons. OK. C'est bon. Ouais, on veut se faire remarquer. Quand on paye pour une BMW, on veut que les gens la remarquent. Oh non, mais dans ce cas-là, regarde, on la remarquait. Même moi, j'avais un peu de misère à ne pas la perdre dans un stationnement. Tu sais. Ça, comme je dis souvent, il faut que tu mettes une bâche dessus le soir pour que tes voisins réussissent à dormir. Ouais, non, mais c'était pas tant que ça quand même. Là, okay. Mais... c'est bon. C'est dans le cas de la grande coupée, la série 4, je te disais c'est un 2-portes, c'est pas vrai, mais c'est un coupé 4-portes. OK. Fait, c'est pas... oui, tu as de la place en arrière, tu as des lignes en arrière, mais à cause de la ligne de toit, c'est plus compliqué un petit peu de s'y glisser de façon intéressante. OK. Quelqu'un genre un peu grand, comme ton fiston, aurait des expériences assez en arrière. Non, effectivement. Il trouvait le toit un peu bas pour lui. Et pour lui, bon, ça donnait pas... il était pas super... super heureux de la chose. Bon. Okay. 2019, on a remodelé pas mal la série 4. On a refait des... Bien sûr, on n'a pas changé complètement le look, là, mais on arrive avec des retouches sur le bouclier arrière, entre autres sur le bouclier avant. On a des nouveaux phares, on a des trucs comme ça, des choses qui sont pas significatives vraiment, mais qui sont quand même intéressantes, là, parce que ça donne encore plus de sensations... musclé quand on regarde le véhicule. Et ça, c'est surtout très intéressant. Okay. Il y a aussi, bon, tu sais, le problème de BMW, à mon avis, un de ses gros problèmes, c'est l'ergonomie de son système iDrive. Le système iDrive, c'est le système multimédia, multifonction qui est logé dans la voiture avec un écran. Dans certaines déclinaisons, c'était pas mon cas, mais il y a des reconnaissances gestuelles. OK. Donc, tu peux tourner vers la droite et ça va augmenter le volume. Tu peux faire semblant d'appuyer à deux doigts, ça va changer de poste. Bon, bref, tu peux faire ça. Déjà, ça règle une partie du problème parce qu'autrement, il faut vraiment naviguer dans différents menus c'est parfois un peu complexe. On a quand même amélioré ça avec le nouveau iDrive 6.0, qui est la nouvelle génération. Les commandes vocales sont heureusement extrêmement simples d'utilisation parce que dans le menu physique comme tel, j'ai encore eu de la misère, puis je suis encore tout mêlé, puis j'ai bien de la difficulté. C'est probablement la partie que je déteste le plus chez BMW. Okay. La partie que j'aime le plus chez BMW, cependant, c'est la conduite. Parce que on a, dans toutes les BMW, on a l'option de se mettre en mode éco, de se mettre en mode confort ou de se mettre en mode un peu plus sportif. Et comme une BM, c'est vraiment conçu pour être conduit par un pilote. C'est vraiment tourné vers le conducteur. C'est très agréable. Écoute, honnêtement, là, ça fait encore partie des voitures les plus fun à conduire. Peu importe la vitesse à laquelle tu la conduis, peu importe l'enthousiasme avec laquelle tu la conduis, c'est un véhicule qui est super le fun, qui donne vraiment des sensations de conduite absolument incroyables et qui sont très agréables à tout point de vue. Évidemment, c'est une voiture de luxe, donc l'insonorisation intérieure, il n'y a rien à dire là-dessus. La qualité de finition, il y a quand même des cuirs intéressants. Les sièges sont confortables, tu peux les ajuster, trouver ta bonne position de conduite, et ça, c'est le fun. Mais il y a aussi d'autres éléments qui font que c'est plus exigeant. On parlait de l'espace arrière, entre autres. Malgré la configuration du hatchback, du fastback, si tu veux, il n'y a pas tant d'espace que ça au niveau du coffre. Okay. Parce qu'il n'est pas très haut. T'sais, fait que ça étire sa longueur, mais pas sur la hauteur. Donc, tu ne peux pas vraiment mettre comme deux couches de stock. Donc, ça limite un peu. Mais dans l'ensemble, c'est un véhicule que moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un véhicule avec lequel je me verrais bien vivre tous les jours. OK. Sans problème. C'est sauf sûr que tu serais sans les paiements aussi, j'imagine. Oui, sans les paiements, évidemment. Mais ça, c'est un autre débat. Là, mais bon, on parle pas de paiements. Mais quoi que tu vois, la 430 comme celle que j'avais, a un prix de base de 53 000 $ OK. J'avais, bon, ce que j'appelle mon package Diva pour toi. Là. OK. C'est-à-dire volant chauffant, siège arrière chauffant, ce genre d'affaires-là, mais aussi toutes sortes d'affaires, là, la détection d'angle mort et tout ça, qui est un groupe d'options qui se vend 6 000 $ Ouch. OK. Ouais, mais ça inclut un système de son Harman Kardon, ça inclut la vision tête haute, là. C'est l'affichage dans le pare-brise. Mm-hmm. Bon, tu as tout ça qui est inclus avec. Ça vaut 6 000 $ J'avais comme option aussi le stop and go, donc le cruise control adaptatif. OK, en fait. C'est bien. Ouais. Ouais, j'avais les caméras 360 et j'avais la capacité de recharge par induction, dont moi je me sers pas parce que mon téléphone n'en veut pas, mais c'était à l'intérieur du véhicule. Tout ça pour un véhicule qui valait 61 000 $ Okay. Mais honnêtement, c'est pas si mal compte tenu de ce que la voiture procure et surtout en vertu du plaisir qu'elle confère. Alors, honnêtement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup aimé cette Grand Coupé. J'aime ce genre de silhouette-là, il faut dire. J'aime que la voiture ne soit pas d'une couleur traditionnelle grise pâle. Mm-hmm. Ça s'appelait Estoril Blue. Hein. Bleu okay. Estoril. Okay. Et j'aime le plaisir de conduire que ces voitures-là procurent. Alors, pour moi, c'est un bon choix. Quant à ceux qui s'inquiètent encore de la fiabilité, je ne pense pas que ce soit un problème chez BMW. L'entretien, en revanche, c'est un autre débat. Ouais, peut être un petit peu plus dispendieux. Exactement. Ouais. OK. Et toi, mon cher, à part d'essayer 23 millions de chars à la Jacques, qu'est-ce que tu conduis? Moi, j'ai conduit le Ford EcoSport, qui est le petit VUS, le nouveau petit VUS de Ford. Je dis nouveau, ça fait quelques années qu'il est disponible ailleurs dans le monde, mais c'est sa première vraie année en Amérique du Nord. Et puis, c'est vraiment un petit VUS. C'est le VUS de ville. Donc, ça va tomber dans la catégorie des Nissan Kicks, Mazda CX-3, Honda HR-V, Toyota CHR, là, ce genre de véhicule-là. C'est propulsé par un très petit moteur, un 3 cylindres de 1 litre qui développe comme de raison, c'est turbo-compressé, là, qui développe 123 chevaux, 125 livres-pieds de couple, et on a une transmission automatique à 6 rapports. De base, c'est une traction avant. Si vous allez dans des options un petit peu plus élevées, dans un modèle un petit peu plus cher, là, parce que ça commence à 22 000 $ et ça va jusqu'à presque 30 000, à 29 299 dans le modèle SES. Celui-là est disponible, ben, est offert là, seulement en traction intégrale. Mais donc, il y a les deux. Si vous voulez une traction intégrale, il faut aller chercher une option. À la base, c'est une traction. C'est un véhicule qui, ma foi, est très intéressant. À l'intérieur, là, ça rappelle beaucoup l'intérieur du Ford Escape. Là, on a à peu près le même genre de configuration en un peu plus petit, mais le même type d'écran placé au même endroit et tout ça. C'est un véhicule qui est confortable, mais c'est pas un véhicule avec lequel je ferais nécessairement Montréal-Toronto avec. Là. C'est confortable, mais sur une longue distance, les sièges sont pas super moelleux, sont pas super confortables. Je me dirais que sur un grand voyage, faudrait peut-être que j'arrête de faire une pause de temps en temps pour m'étirer les jambes. Là. Mais pour ce que ce véhicule-là est supposé être, qui est un VUS de ville, ça fait le travail. Le seul gros problème du véhicule, c'est que Ford ont décidé d'aller chercher le style de haillon, ben pas de haillon, de porte arrière que Toyota a laissé tomber dans le RAV4. Ça veut dire qu'on a une porte qui s'ouvre la porte latéralement. Oui. Je comprends vraiment pas le principe. Un haillon, ça a été prouvé que pour un VUS, c'est la meilleure chose, mais Ford a décidé que bon, ça serait le fun de se démarquer. On va mettre ce que Toyota ne met plus sur ses véhicules. On va mettre une porte qui s'ouvre latérale. Mais bon, c'est pas nécessairement grave, à moins que quelqu'un se stationne vraiment près de vous dans un stationnement. Ben là, peut-être que vous allez avoir des petits problèmes, mais pour le reste, je veux dire, c'est pas si grave que ça. C'est juste pas pratique. L'intérieur, bon, c'est pas hyper spacieux, mais il y a quand même, tu sais, de la place. Là. À l'arrière, les passagers vont être corrects, là, même s'ils sont un peu grands. Le coffre est aussi correct. C'est un peu plus grand qu'un CX-3. Vous allez me dire que c'est pas nécessairement difficile d'être plus grand qu'un coffre de CX-3, là, mais il y a quand même pas mal d'espace dans le coffre. Côté conduite, ben c'est sûr qu'on a un petit moteur turbo d'un litre. Hein, donc, c'est pas... ça se conduit pas comme une voiture sport. Faut prévoir un peu d'avance nos dépassements, mais c'est pas aussi catastrophique que ça pourrait laisser croire, là, vu que c'est juste un petit moteur de 3 cylindres d'un litre. Ça se déplace quand même assez bien. C'est quand même agréable à conduire. Pour le reste, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire. C'est un véhicule qui est correct à peu près partout. Ford a réussi à faire un véhicule qui va compétitionner avec les autres véhicules du même segment sans nécessairement de problème. C'est sûr qu'il est moins... Je pourrais dire moins sexy un peu là, que ces rivaux-là. Ouais, ben ça ressemble beaucoup à un Escape. Hein. C'est un peu plus camion et moins voiture, donc les lignes sont un peu plus carrées. C'est pas nécessairement aussi beau qu'un CX-3 ou qu'un CHR. Le CHR de Toyota, il sort vraiment du lot, là. Mais tu sais, puis le Mazda CX-3 aussi sort un peu du lot. Une allure un peu plus sportive, là, c'est ben. Ça a l'air d'un petit camion. Là. C'est pas, ouais, c'est ça. C'est pas super sexy pas... comme ligne. Là. Non, c'est ça. Ça va bien, mais c'est pas là, tu sais, là. C'est sûr que le 1 litre n'est pas le plus puissant non plus. Là. Non. Intéressant, là, mais quand même super bon. Mais c'est ça. Ça fait le travail. Côté économie d'essence, là, ben on parle d'environ 8,4 litres au 100 km. Combiné. C'est à peu près ça que j'ai eu. Si je me rappelle, même peut-être un peu plus bas que ça. Je pense que j'ai fini à peu près à 8 litres au 100 km. Donc, ça se comporte bien. Il y a la technologie. Je veux dire, on a le nouveau système Sync à l'intérieur avec Apple CarPlay, Android Auto, puis ces choses-là. Là. Fait que on est vraiment tout équipé. Tu sais, c'est un véhicule qui est vraiment correct. Là. Donc, si c'est le type de véhicule qui vous intéresse, vous aimez une allure un peu plus camion et un peu moins voiture ou avec des lignes un peu plus tranchées, ben, c'est peut-être le véhicule pour vous. C'est comme je vous dis, à part la porte pour accéder au coffre à l'arrière, il n'y a rien de dérangeant dans ce véhicule-là. La finition intérieure est bien, mais c'est ça. C'est peut-être juste le gros problème, c'est de la manière qu'on accède au coffre. Pour le reste, je veux dire, ça fait le travail. Là. Dans cette catégorie-là, ça fait le travail. C'est pas un VUS, vous allez vous servir pour tirer une roulotte. Là. C'est plus la roulotte qui va tirer le VUS dans ce cas-là. Mais, mais pour le reste, ça fait le travail. Vous avez besoin d'un petit quelque chose. Vous voulez être un petit peu plus haut qu'une voiture régulière. Je veux dire, c'est un choix qui est sensé. Là. C'est correct. Donc, c'est pas mal. C'est, c'est, C'est dit avec un enthousiasme, mon cher. Ben non, mais ça sort pas du lot, je veux dire, c'est pas le véhicule qui va venir tout briser ce qui se fait dans le segment, tu sais. Non. Ça rentre dans les rangs, mais ça fait tout ce que ça devrait faire correctement, mais ça révolutionne rien, là. C'est juste ça. Donc, mais c'est ça. Donc, Marc, si, pour les prix, là, je l'ai dit, c'est entre 21 999 jusqu'à 29 299 pour la version SES. Je comprends pas la version SES. Normalement, chez Ford, ça a toujours été Titanium qui est la version plus élevée. Là, on a une version au-dessus, qui est la SES, qui est Bizarre. 1 000 $, à peu près 1 000 $ de plus que la version Titanium. Des options de plus. Là, c'est... Mais normalement, quand on achète ce genre de véhicule-là, on y va milieu de gamme. Là. Payer 30 000 pour un véhicule de ce taille-là, des fois, on est mieux de payer un peu moins, t'sais, le même prix pour avoir un véhicule d'une catégorie plus élevée. Là. Si vous êtes rendu à payer ce prix-là, c'est plus une question d'économie, c'est une question de choix rendu là. Là. Mais c'est ça. Donc, on va terminer là-dessus, Marc. Si les gens veulent te rejoindre, comment font-ils cela? Ben, sur mon Facebook, Marc Bouchard, sur mon blog, marcbouchard.ca. Sinon, sur Twitter, Marc souligné Bouchard. Instagram, c'est le contraire, Bouchard souligné Marc. Et bien sûr, notre célèbre et très occupé adresse courriel. C'est un message, ça, vous avez le droit de l'occuper plus que ça. info@saroulradio.com, c'est l'endroit où on répond à vos questions, Luc et moi. Ben, et toi, faut, mon cher? Faut dire aussi, les courriels, on a eu quelques courriels, on a eu des suggestions de sujets qu'on a gardés de côté. Aussitôt qu'on va avoir le temps, on va piger dedans. Là. C'est des bonnes suggestions. Mais continuez à nous envoyer des courriels si vous voulez, là. C'est très intéressant. De mon côté, sur Twitter, c'est Ascalazormo. Il y a aussi le compte de Ça Roule Radio qui est sur Twitter, qui est Ça Roule Radio. Sur Facebook aussi, Ça Roule Radio. On est disponible sur Google Play. On est disponible sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez nous écouter aussi sur Radio Média Plus et sportradio.ca les week-ends et quelques fois pendant la semaine, là, dépendant de la radio où on est diffusé plus souvent ou moins souvent, là, dépendant de laquelle vous choisissez. Et puis, j'ai un compte Instagram aussi, c'est Désormais au Luxe. Si jamais vous voulez voir les photos de la voiture de la semaine que je conduis, vous pouvez aller vous abonner à ça. Donc, merci Marc. J'espère que tu vas passer un beau restant de semaine. Et puis, on se reparle la semaine prochaine. Et aux auditeurs, ben, faites attention à vous. Puis on se reparle aussi la semaine prochaine. Bye tout le monde. Bye bye.